La théorie sur la biologie du trauma que nous avons développée jusqu'à présent et les exemples comme l'histoire de Marius, tout cela nous donne une idée sur la manière de guérir notre propre trauma. Dans ce module, nous allons appliquer certains des principes et idées de ce que j'appelle la somatic experiencing. Les gens sont bouleversés et traumatisés parce que des événements se sont passés trop vite pour qu'ils puissent les comprendre, y répondre et les intégrer. Donc, pour renégocier le trauma, plutôt que de le revivre ou de le repousser, nous devons apprendre à ralentir. La conscience du ressenti corporel nous permet de retrouver, mobiliser et réactiver très progressivement les forces puissantes qui étaient bloquées dans les symptômes traumatiques. Il est important de comprendre que parfois, la guérison d'un trauma se fait sur le long terme. Il peut y avoir des moments difficiles et poignants, mais très souvent, la guérison du trauma se fait progressivement sur des périodes plus longues. En repensant à Marius, la clé pour guérir son trauma a été de reconnaître et de retrouver son héritage en tant qu'être humain compétent et plein de ressources. Pour ce faire, il a fallu ralentir l'expérience pour que Marius puisse mobiliser les ressources qu'il avait perdues au cours de l'expérience initiale. Souvenez-vous qu'il était bouleversé quand il a été attaqué et mordu par les chiens. C'est arrivé si vite et ça a été tellement refoulé qu'il avait très peu de souvenirs de cet événement. Quand nous sommes traumatisés, il y a un mix entre l'énergie comprimée et les croyances que nous avons créées sur nous-mêmes à partir de cette expérience. Lorsque nous nous ouvrons à ces énergies par le biais de notre ressenti corporel, nous avons alors la possibilité de corriger ces idées à propos de nous-mêmes qui ont été générées par le trauma. Le point important pour y parvenir est d'être capable de prendre notre temps, de ralentir notre expérience. Si à un moment donné, vous vous sentez submergé, ou si vous avez l'impression que ça va trop vite, arrêtez-vous un instant. Faites une pause, peut-être même une promenade, et revenez à l'exercice une fois que vous vous sentez à nouveau à l'aise. En résumé, comme ce fut le cas pour Marius, la maîtrise du trauma est pour chacun d'entre nous un voyage héroïque. Un voyage avec ses moments brillants de créativité, d'apprentissage et de prise de conscience, et parfois des périodes de travail dur et fastidieux. C'est un processus qui consiste à se trouver un moyen sûr et paisible de sortir de l'immobilité. C'est au centre de ce que nous allons faire. Entrons maintenant dans le cœur du processus de renégociation du trauma que j'appelle la somatic experiencing. Je vais présenter les 12 concepts de base de la somatic experiencing. Je donnerai une description pour chaque concept et je vous montrerai comment Marius les a utilisés dans sa guérison. Puis, avec des exemples et des exercices, je vous apprendrai à les utiliser pour votre propre guérison. J'appelle le concept numéro 1 « condensé et fixé ». Rappelez-vous, quand Marius commence à raconter son histoire, il est fixé sur l'image de son pantalon ensanglanté et déchiré, et sur le rejet et la déception de son père. Au moment où Marius est traumatisé par les chiens, le plan fixe du pantalon ensanglanté, de la douleur de la blessure et du rejet de son père résume à eux seuls l'incident. C'est presque comme si tout le reste disparaissait. Le bonheur de sortir tout seul, de se promener, de sauter sur les rochers, le sentiment de puissance et de virilité qu'il associe aux chasseurs du village. Tout cela a été effacé, et toute l'expérience est condensée dans le ressenti lié à cette seule image. Et c'est vrai pour tous les cas de trauma, peu importe ce qui le cause. Ça forme un condensé, et toutes nos croyances sur nous-mêmes sont formées à partir de ce condensé, ce qui contribue à le renforcer. Ce condensé devient comme une fixation, comme si un clou était enfoncé dans notre expérience et qu'il la maintenait en place. Et ainsi, tout dans la vie est alors fixé à cette expérience, et c'est ce que j'appelle la fixation. Ainsi, lorsque nous commençons à accéder progressivement aux énergies, il devient possible de débloquer cette fixation et d'étirer le condensé. L'expérience du choc est couplée et embourbée dans la manière dont nous nous jugeons. Cet enchevêtrement de la réaction au choc, cet enchevêtrement de la réaction au choc et de la manière dont nous nous percevons devient condensé et coincé ou fixé de telle sorte que cela se renforce continuellement. À chaque fois que nous ressentons du stress ou de l'activation, notre corps se fige et notre esprit fait remonter cette croyance désastreuse. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Vous êtes arrêté à un stop. C'est une journée agréable. Vous appréciez le trajet. Vous avez hâte d'arriver là où vous avez prévu d'aller. Et tout à coup, une voiture vous rentre dedans. Votre corps se fige dans cette réaction d'arc-boutement pour essayer de se protéger et de ne pas être blessé. Si ça ne s'achève pas par des tremblements, par les réactions physiologiques dont nous avons déjà parlé, après un certain temps, certaines émotions et croyances commencent à se fixer de plus en plus. Par exemple, vous pouvez vous mettre à penser que conduire peut être dangereux. Ou cela peut être un peu plus dissimulé. Vous allez vous dire « Je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Oui, c'est un bon film, mais je préfère regarder la télévision. » La croyance est de penser que si vous prenez la voiture le lendemain, vous allez être percuté à nouveau. Mais le condensé et la fixation peuvent aussi se généraliser. Vous êtes dans une situation où vous avez hâte de faire un projet ou tenir une réunion avec quelqu'un et vous vous dites « Je ne pense pas que ça va marcher. Je ne sais pas si je veux vraiment y consacrer mon énergie. » Alors qu'en fait, vous pensez que si vous êtes excité et que vous avez envie que quelque chose arrive, boum, vous serez percuté par derrière et à nouveau paralysé. C'est comme ça qu'à partir d'un événement très simple, tout un ensemble d'associations et de peurs peut commencer à se développer. Et cela se manifeste ensuite par des réponses d'évitement. « Oh, je n'ai pas vraiment envie de faire ça de toute manière. » Lorsqu'une personne est fixée dans un événement traumatique, c'est comme si elle s'était figée dans le temps. C'est comme si le temps s'était arrêté à ce moment-là. Et lorsque, grâce au ressenti dans le corps, nous recommençons à avancer dans le temps, permettant aux énergies de se libérer pour se dissiper, nous sortons de cet ancrage, de cette fixation et retournons à la sensation de mouvement. C'est là que nous avons vraiment l'occasion d'observer certaines des croyances qui étaient ancrées, afin de les changer. Dans ces différents exemples et lors des exercices, quand vous commencez à libérer l'énergie comprimée qui provient de votre trauma, je voudrais que vous commenciez à prendre conscience des différentes croyances et émotions qui sont associées au condensé et à la fixation de l'énergie. C'est donc le premier concept. Le deuxième concept concerne le sentiment de défaite. Quand vous jouez aux échecs, ou vous faites du sport, et que vous perdez face à un concurrent, eh bien, nous savons tous ce que ça fait de perdre. Ce n'est pas une sensation agréable. Mais la défaite dont je parle, et qui est associée au trauma, pour utiliser l'analogie sportive, se joue sur un autre terrain. C'est un sentiment intense d'avoir été vaincu, profondément blessé, et selon la gravité du trauma, ne jamais pouvoir sortir de cette défaite. Encore une fois, on est figé dans le temps, parce que dans un sens, on a été vaincu. Dans le cas de Marius, il s'est senti profondément vaincu, et sa défaite était si envahissante que chaque fois qu'il rencontrait un homme qu'il admirait, il se sentait complètement bloqué, vaincu. Il a été vaincu par les chiens qui l'ont attaqué. Et ce sentiment de défaite est, encore une fois, une réaction physiologique de choc qui a été figée dans le temps. Et quand il a pu se ressourcer et avancer dans le temps grâce à son expérience corporelle, ce sentiment de défaite a commencé à se dissoudre. Et nous avons tous ressenti ce sentiment résiduel de défaite dans nos traumas. Certains le ressentent ou le perçoivent comme une indignité ou un manque de valeur. D'autres réagissent au sentiment de défaite en agissant dans le monde d'une manière excessivement agressive, pas d'une manière très saine. En d'autres termes, ils essaient de surcompenser alors qu'il s'agit seulement de ce sentiment de défaite d'impuissance écrasante. Et encore une fois, souvenez-vous que c'est biologique. C'est parce que nous sommes coincés. Ce n'est pas parce que nous sommes des perdants. Ce sentiment de défaite, parce qu'il est envahissant, peut aussi vous empêcher d'utiliser ces exemples et ces exercices pour avancer. En d'autres termes, vous les faites une fois, mais vous n'avez pas l'impression d'en tirer quelque chose. Vous vous sentez vaincu, et pas seulement dans l'instant. Parce que vous allez vous dire « Oh là là, je ne serai jamais capable de faire ça ». N'oubliez pas que c'est un produit dérivé de la biologie du trauma. Alors, si vous vivez cela, essayez d'être gentil avec vous-même. Prenez un peu de temps et essayez de ressentir les sensations derrière cette défaite. Vous pouvez sentir vos épaules s'affaisser ou ressentir certaines tensions dans le dos. Peu importe, percevez ce que la défaite vous fait ressentir et laissez-la évoluer. Alors, comment sortir de ce condensé, de cette fixation et de cette défaite? Cela nous mène au concept numéro 3, le tracking, que l'on pourrait traduire par le traçage en français. Le traçage consiste à être en phase avec notre monde intérieur. Quand il traque un animal, le chasseur doit le suivre grâce aux premières empreintes dans la neige ou dans la terre. Il y a une citation d'un livre intitulé « The Tracker » de Tom Brown, où il décrit cette expérience en une phrase ou deux. La première trace est l'extrémité d'une ficelle. À l'autre bout, un être se déplace, un mystère. À chacun de ses pas, il laisse échapper des indices qui en disent chaque fois un peu plus sur lui, au point que l'on peut presque le voir avant même de l'avoir rejoint. Ainsi, lorsque le chasseur commence à suivre l'animal, il apprend dès le début, de plus en plus de choses sur cet animal. Le chasseur découvre d'abord les traces de pas et se met à les suivre. Il peut dire si l'animal a été blessé ou même s'il a mangé. Il remarque si la neige est un peu tassée sous un buisson et en déduit que l'animal a dormi là. Et ensuite, lorsque le chasseur arrive au sommet d'une colline et qu'il n'y a plus de neige, c'est presque comme s'il était attiré dans la direction de l'animal parce que leur relation est devenue si proche. Ce genre de relation, non pas avec un animal extérieur, mais avec l'instinct animal qui est en nous, c'est l'outil central que nous utilisons pour commencer à renégocier le condensé, la fixation et la défaite. Autrement dit, nous devons nous familiariser avec notre propre monde intérieur jusqu'à ce que nous puissions nous y rencontrer. Il est le mystère qui nous donne des indices au fur et à mesure des exercices, de sorte que nous nous rapprochons de plus en plus de notre objectif, qui est la guérison du trauma. Mais nous le faisons en suivant ce mystère qu'est notre monde intérieur. Ce monde intérieur est composé de sensations corporelles, de différentes images qui peuvent apparaître dans notre esprit pendant que nous faisons certains exercices, de certains ressentis, des émotions, ainsi que des pensées et des croyances que nous pouvons avoir à propos de ce qui est en train de se jouer. La clé est de prendre conscience de soi. Nous devons prendre du recul, pas trop pour ne pas être dissociés, mais suffisamment pour pouvoir les observer, presque comme si nous les observions à travers une coupe de cristal transparente. La nature de ce paysage est en changement constant. C'est comme un ruisseau. À certains moments, il est très turbulent. À d'autres, il se déplace si lentement que nous pouvons à peine sentir son mouvement. Mais il y en a un. Donc, même si vous ressentez une sensation de figement ou d'engourdissement, ou l'impression que rien ne changera jamais, c'est déjà en train de changer, simplement en s'y connectant. Je pense que l'un des principes les plus importants que tout être humain peut apprendre sur lui-même, c'est que nos sensations et nos émotions peuvent changer. Une étude a été réalisée sur des adolescents qui ont tenté de se suicider. On a découvert que tous ces enfants ont essayé de se tuer lorsqu'ils se sentaient bloqués par une émotion profondément perturbante. Ils n'avaient tout simplement pas l'expérience de vie nécessaire pour savoir que cela évoluerait avec le temps et qu'ils pourraient le surmonter. Ils se sont simplement sentis bloqués. Et dans le trauma, bien sûr, dans la fixation, nous sommes bloqués. Donc, en étant capable d'utiliser ces cadeaux que sont la patience bienveillante et la vision objective, vous continuez à tracer, comme le chasseur. Vous en apprenez de plus en plus sur vous-même à chaque incursion dans votre paysage intérieur. Et cette façon de se déplacer entre les polarités est un autre concept clé que nous utiliserons pour transformer le trauma. Ce mouvement entre expansion et contraction s'appelle la pendulation. Le concept numéro 4 est donc la pendulation. Le rythme naturel. Le rythme inné pour ne pas rester coincé dans l'émotion négative. Il nous permet d'avoir un rythme d'échange, de flux entre ces deux polarités. Ce principe est appelé pendulation et polarité. Chez Marius, nous voyons cette pendulation tout au long de la séquence. Au début, il oscille entre la douleur dans sa jambe, les images de sang et les sensations de puissance et d'identification culturelle grâce à son pantalon. Ensuite, quand il se retrouve face au chien, il oscille entre d'un côté le sentiment de pouvoir courir, de s'échapper, la puissance dans ses jambes, et de l'autre côté l'impuissance. Mais il ne se laisse pas submerger par l'impuissance, parce qu'il est en mesure de penduler entre ces polarités en construisant des ressources tout au long de la session. Ce principe de va-et-vient est quelque chose que vous ferez avec tous les exercices suivants. C'est ce mouvement entre les polarités du système nerveux qui permet au système nerveux de revenir à son état d'équilibre dynamique, de façon à ce que nous puissions être excités, activés et même capables de nous défendre lorsque c'est approprié, ou bien de revenir à la relaxation, au plaisir et à l'expansion. Notre système nerveux commence simplement à se décoincer. Dans ce processus, le trauma se transforme. Donc, en étant capable de bouger avec conscience, d'osciller entre des émotions positives qui atténuent les émotions négatives, eh bien, nous utilisons le positif comme une ressource pour ne pas être submergé par ces émotions négatives. Le concept numéro 5 de la somatic experiencing et de la renégociation est donc celui des ressources. Ce sont les ressources du pantalon, des sensations corporelles qui y sont associées, du sentiment de force et d'identification aux figures masculines positives qui ont permis à Marius d'observer, de rencontrer la partie douloureuse de son expérience sans être submergé, sans être à nouveau paralysé. Au lieu de plonger dans sa douleur, il a pris cette ressource et a ensuite commencé à achever, en tant qu'adulte, son chemin de l'enfance vers l'âge adulte et l'individuation, pour reprendre le concept jungien. Il a commencé avec cette ressource très simple, qu'est la capacité à aller et venir, penduler entre les deux états. Maintenant, que se serait-il passé si je n'avais pas donné à Marius cette image du pantalon? Aurait-il été capable de penduler sans cela? Eh bien, la réponse est oui, parce que le système nerveux, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il se base sur ce principe de pendulation et d'oscillation. Cela ne veut pas dire que nous ne nous sentirons jamais submergés ou que nous ne serons pas bloqués à certains moments. Si vous êtes coincé dans l'un de ces exercices, ramenez à votre conscience une expérience, une image, une photo, un souvenir, une personne, un lieu, une chose où vous vous êtes senti à l'aise, soutenu et en sécurité. Ou bien, ça peut être imaginaire. Un endroit dans la nature où vous pourriez être avec une personne, quelqu'un que vous auriez voulu avoir à vos côtés à différents moments de votre vie pour vous soutenir et vous aider à vous ressourcer. Nous avons besoin de cette ressource pour commencer à faire ce mouvement de balancier. Sans cela, nous pourrions être aspirés dans ce trou noir. Et en faisant cela, nous nous retrouverions fixés dans le trauma. C'est donc le ressourcement dans la pendulation qui nous permet de passer de la fixation due au trauma vers le mouvement. En fait, la ressource profonde, c'est cette expérience de pouvoir bouger dans les deux sens, d'osciller. Oui, au début, nous utilisons l'expérience positive comme ressource. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons que c'est ce mouvement en lui-même, entre ces deux polarités, qui nous donne une idée différente de qui nous sommes, une personne qui n'est pas prisonnière du trauma ou addicte à des états positifs, une personne qui peut ressentir toute la gamme des expériences humaines et la ressentir en sachant que, quoi qu'il arrive, ça changera. Les ressources peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Lorsque vous vous concentrez sur les sensations et les émotions positives, ce sont des ressources internes. Cependant, comme dans le cas de Marius, la sensation positive initiale est venue de son association avec le pantalon. C'était une ressource extérieure. Les ressources extérieures peuvent prendre la forme d'une personne que vous avez peut-être connue et qui a eu une influence très positive sur vous, dans votre enfance ou à l'âge adulte. Ou cela peut être un animal ou un lieu où vous vous êtes senti en sécurité et protégé. Cela peut être aussi une personnalité de la littérature ou du cinéma. Mais souvenez-vous qu'en fin de compte, nos systèmes nerveux ont été conçus davantage pour l'expansion, le plaisir, l'exploration et la curiosité, plutôt que pour la contraction et le repli. Dans le système limbique, le cerveau émotionnel qui contrôle nos comportements émotionnels, il y a plus de fibres et plus de zones en lien avec le plaisir et l'exploration qu'en lien avec la douleur et les affects négatifs. C'est juste un fait physiologique et anatomique. Cela implique que, fondamentalement, lorsque nous ne sommes pas traumatisés, lorsque nous ne sommes pas trop stressés, nous tendons vers le plaisir, l'expansion. Nous sommes motivés par l'amour et nous tendons vers lui. Alors, est-ce que les ressources surviennent simplement quand nous prenons le temps d'être en contact avec les sensations de notre corps? Eh bien, souvent, oui. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, comme nous venons de le dire, nous pouvons les faire venir consciemment. Si je vous demande quelles personnes ont été des ressources positives dans votre vie, le plus souvent, les gens peuvent en citer une ou deux. Mais la façon dont nous le savons, c'est à travers la sensation qui se produit dans notre corps. Donc, l'astuce pour utiliser la ressource externe, c'est de la prendre et, comme Marius et son pantalon en fourrure, de lui laisser le temps de s'imprégner et ramener les émotions positives qui lui sont liées. Le ressourcement est donc quelque chose que nous continuons à faire tout au long du processus de renégociation. Plus nous avançons, plus les ressources se construisent. C'est cette construction des ressources, comme ce fut le cas pour Marius, qui lui a finalement permis d'aller au cœur de cette expérience traumatique particulière.